avec Stéphane Echer à l'instant, notre Suisse préféré. Combien de temps c'était un souvenir de 1987? Oui, sur Maxi France. Et si vous êtes, si vous voulez être à la pointe des nouveautés sur Maxi France, eh bien, vous êtes sur la bonne radio, puisque je vous propose tout de suite de découvrir en avant tout le monde le dernier titre de Madame Monsieur, en duo avec Kiyou. Le titre, c'est Les lois de l'attraction. C'est tout de suite et en exclu sur Maxi France. C'est une nouveauté et elle est déjà chez nous. Maxi France.